Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la scission au Front National ou le combat entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. C'est sans doute l'une des affaires au sein d'une famille politique les plus sensibles et les plus spectaculaires de la Ve République, les plus brutales également. D'août 1998 à janvier 1999, nous avons assisté jour après jour à un drame shakespearien de ceux qui n'offrent qu'une alternative, un survivant, donc un mort, quitte à accorder l'extrême onction au Front National, car il aurait pu ne jamais s'en remettre. En politique, il n'y a pas plus violent qu'une querelle de famille, surtout lorsque l'un veut devenir calife à la place du calife et que ce dernier, guerrier dans l'âme, est à la tête d'un parti de culture quasi-militaire. Jean-Marie Le Pen, le chef Georges Commande dont je suis, est un autodidacte à la fois bourgeois et populaire, à vrai dire populiste, colérique et furieux. L'autre, Bruno Maigret, est un animal à sang-froid, haut fonctionnaire, posé, méticuleux. Une idée les rassemble toutefois, un rêve commun, celui d'une France sans Europe, avec le moins d'étrangers possible, protégés derrière ses frontières. Cette affaire, c'est aussi l'histoire du Front National, un parti pas comme les autres, où on élisait son chef il n'y a pas si longtemps encore, à main levée, alors gare à celui qui voudrait prendre un autre chemin, au vu et au su de tous. Le FN est par ailleurs un parti politique, où s'entremêlent les histoires de la famille Le Pen, autour de laquelle la vie du parti s'articule, une sorte de SCI politique, dominée par le patriarche qui impose sa loi, ses filles, à ses gendres. C'est enfin l'histoire de l'extrême droite française, qui hésite toujours entre l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, le Front National rencontre les mêmes démons avec cette nouvelle crise de succession où se mêlent les mêmes personnages, le fondateur, le dauphin, la famille, l'arrière-garde et l'avant-garde, sans pudeur, comme on lave son linge sale en public. Pour analyser ces résonances du passé sur le présent, elles sont évidentes aujourd'hui, nous accueillerons en seconde partie d'émission le journaliste Dominique Albertini de Libération, notre partenaire. Il est l'auteur, avec David Doucet, du livre intitulé tout simplement « Une histoire du Front National ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec le journal Libération, préparé par Jean Bulot, avec l'appui de documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupouy-Henquin et Ida Bory, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Kevin Pellot, Bruno Poncelet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Quand vous pensez à votre succession, parfois, ça vous arrive? Quel est votre successeur de rêve à la tête du Front National? Quand je pense à la mort, j'y pense souvent, c'est normal d'ailleurs. Mais à votre fin politique, on peut dire. Mais vous savez, la mort frappe indistinctement, et pas toujours ceux que l'on pourrait croire les plus visés. Comme la question a été mise d'ores et déjà sur la place publique, j'ai simplement fait savoir que j'étais en effet candidat. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartier-maîtres félons. Il n'y a aucune guerre des chefs, il y a simplement un débat. J'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête. Le Front National n'appartient à personne. Il appartient aux militants. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'ennemis. Ah, je ne crois pas. Et s'il y en a, ben on les débusquera. Maigret. Un garde. Maigret. Le 9 février 1997, à 21h30, la ville de Vitrolles se jette dans les bras de l'extrême droite. Ce soir-là, la commune provençale et le nom de son nouveau maire font la une. En 1995, Bruno Maigret avait perdu l'élection de quelques voix. Après l'annulation de ce scrutin, il n'avait pas eu le droit de se présenter parce qu'il avait dépassé les fonds de campagne autorisés. Ne pouvant être candidat, c'est sa femme qui fit campagne en son nom. Au Front National, la politique est une affaire de famille, c'est bien connu. Ainsi, le 9 février 1997, Catherine Maigret gagne officieusement l'élection devant le candidat socialiste Jean-Jacques Anglade. Mais un peu comme une femme à qui l'on pose une question et qui répond « Oula, faut que je demande à mon mari ». C'est Bruno Maigret qui prononce le discours de la victoire. Ce soir à Vitrolles, le mur est tombé. La digue adverse a cédé, sans effet de surprise, sans circonstances particulières. Dans une bataille frontale, seul contre tous, notre mouvement a vaincu. Et cette victoire est historique, car elle prouve la capacité du Front National à l'emporter demain dans toute la France. Malgré les intimidations, les mensonges, les pressions, la diabolisation, les machinations et le Front Républicain, nous avons pu rassembler ici une majorité de nos compatriotes, comme nous le ferons demain à l'échelle du pays. Pour tous les observateurs, le 9 février 1997 constitue la plus belle victoire du délégué général du Front National. Une histoire qui a débuté 12 ans plus tôt, le 10 octobre 1985, dans un restaurant du 7e arrondissement. Ce jour-là, Bruno Maigret lit son destin à Jean-Marie Le Pen. C'est l'époque des premiers succès du Front National, ceux des cantonales de 1983, dont Dreux fut le symbole, mais surtout ceux des européennes de 1984, où le parti d'extrême droite français dépasse la barre symbolique des 10% aux élections. Avec 9 autres candidats, Jean-Marie Le Pen entre au Parlement européen. En 1985, Bruno Maigret, lui, est un inconnu. Il a 36 ans, il est polytechnicien. Haut fonctionnaire, il fait ses armes administratives au commissariat général au plan et au cabinet ministériel de la coopération. Au niveau politique, il est un enfant de la nouvelle droite, une mouvance ultra-conservatrice. Ses membres se retrouvent au sein de clubs de pensée comme le GRES, groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, ou le club de l'horloge, outil indispensable pour construire les bases d'une contre-culture de droite concurrente de l'idéologie socialiste et marxiste. La nouvelle droite prône entre autres la préservation de l'identité ethnique et culturelle des peuples européens face à l'immigration. En janvier 1982, Bruno Maigret lance son club d'idées, l'ECAR, Comité d'Action Républicaine. C'est ce parcours, ce réseau et ce club que Bruno Maigret offre aux candidats frontistes lorsqu'il le rencontre au restaurant 3 ans plus tard. Et en guise de viatique, il obtient une circonscription en Isère dont il est élu 1 an plus tard député comme 34 autres candidats du Rassemblement National. Commence alors l'ascension du nouveau venu. En décembre 1986, Bruno Maigret est nommé directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen pour l'élection de 1988. À la suite de cette campagne présidentielle, il est nommé délégué général. Il devient l'un des hommes du front et même le second du président. Durant ses premières années, l'implantation du FN dans le champ politique français se concrétise malgré les dérapages et les coups de force de son président. Dans l'ombre de celui-ci, Bruno Maigret prend en charge la réorganisation du parti. Il s'entoure de fonctionnaires et de technocrates et met en place de nouveaux outils alliant propagande moderne et formation continue des élus. En gros, il professionnalise le FN. En mars 1997, quelques semaines après sa victoire à Vitrolles, il est la vedette du congrès du parti. Son nom est scandé, ses livres se vendent comme des petits pains. À l'élection du comité exécutif, il remporte haut la main le scrutin devant l'éternel perdant au Front National, Bruno Gollnisch. Bref, monsieur se sent pousser des ailes. À la fin du congrès, à la tribune, en guise de conclusion, le président Jean-Marie Le Pen lui pique même une formule, l'alternative nationale. Mais est-ce un hommage ou une pique contre son délégué général ? L'alternative nationale, c'est le rétablissement de la suprématie de la loi française sur les lois étrangères, traités, recommandations et directives européennes. L'alternative nationale, c'est l'établissement du principe de préférence nationale, c'est la réforme du code de la nationalité et l'abrogation des dispositions du droit du sol et de la double nationalité. La suppression du regroupement familial, l'établissement de la carte de séjour d'un an au lieu de 10, l'organisation du regroupement familial dans le pays d'origine. Notre mission n'est pas seulement une mission électorale. Une mission politique, c'est une mission historique. Vis-à-vis de la France et des Français d'abord, mais aussi vis-à-vis des peuples d'Europe et de tous les peuples du monde qui veulent garder leur identité nationale. C'est sur le plan idéologique, entre les deux hommes, l'entente cordiale règne, c'est clair. Non, c'est sur la manière de mettre en place leur programme, d'atteindre le pouvoir, que les divergences apparaissent. Et quelques jours après le congrès, une décision de Jacques Chirac va provoquer les premières frictions publiques sur ce sujet entre les deux hommes. Il se trouve que le 21 avril 1997, le président annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour le FN, c'est une aubaine. Le parti n'a jamais été aussi puissant. Mais très vite, malgré les bons sondages, revient la lancinante question de la consigne de vote au second tour. Faudra-t-il ou non appeler à voter pour les candidats de droite ? Pour Jean-Marie Le Pen, c'est non et c'est catégorique. Lors de l'interview, il indique même une certaine préférence pour une majorité de gauche. Pour lui, l'UMP, en quelque sorte, c'est le PS en pire. Face à ces déclarations, et pour la première fois, Bruno Maigret désavoue son président. Pour lui, le FN est un parti de droite. Un militant du Front ne peut en aucun cas souhaiter l'arrivée d'un gouvernement de coalition de gauche. Ce serait contre nature. Pour Bruno Maigret, la route vers le pouvoir doit passer, selon certaines conditions bien sûr, par une union avec les candidats des partis de droite classiques. Ce choix présente l'avantage d'implanter durablement le FN dans les territoires et de l'inscrire dans la respectabilité. Toujours est-il que la controverse de la consigne de vote au second tour n'ira pas plus loin. Car le 30 mai, entre les deux tours des législatives, une frasque de Jean-Marie Le Pen va une nouvelle fois faire la une et marginaliser le FN. Les deux protagonistes de notre histoire ne le savent pas encore, mais le verre est dans le fruit. Le Pen, fasciste, assassin ! Le Pen, fasciste, assassin ! Vendredi 30 mai 1997, Mantes-la-Jolie. Jean-Marie Le Pen est de passage pour soutenir sa fille Marie-Caroline, arrivée en tête au premier tour de la 8e circonscription des Yvelines. Et comme à chaque déplacement de Jean-Marie Le Pen, un comité d'accueil attend. Ce jour-là, parmi ses opposants, il y a la candidate socialiste, Annette Pelvas-Berjal. Logiquement, les deux groupes se font face, à distance, séparés souvent par les forces de l'ordre. Mais ce jour-là, la voiture du président frontiste s'arrête à la hauteur du petit groupe. Jean-Marie Le Pen sort et se dirige vers eux. Et là, tout bascule. Devant les journalistes, il est hors de lui, incontrôlable. Il joue les gros bras, accompagné de ses gardes du corps. Dans la bousculade, la candidate socialiste se retrouve plaquée contre un mur. Jean-Marie Le Pen l'interpelle et s'agrippe violemment à elle. C'est compris, on en a marre. Face à la violence du président frontiste, deux policiers des renseignements généraux s'interposent pour protéger la candidate socialiste. Malgré cette situation très gênante dans une démocratie mature, Jean-Marie Le Pen poursuit sa visite avec sa fille, Marie-Caroline. Il revoit les opposants au loin et décide de retourner à la bagarre. Essoufflé, mais heureux de montrer une virilité retrouvée. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? PD ! Ah, ça m'a rajeuni ! Le soir même, les images de l'altercation et les sanglots d'Annette Pelvas-Berjal font la une. Le vrai visage du Front National, un parti violent et autoritaire à l'image de son chef, semble jaillir à l'écran. Le même jour, la candidate socialiste porte plainte. Une nouvelle fois, le président du Front National devra passer par la case justice. Mais rien n'y fait, il ne change pas ses habitudes. En décembre 1997, lors d'un voyage à Munich où il est venu rendre visite à l'un de ses amis, Franz Schönhuber, un ancien Waffen-SS, Jean-Marie Le Pen réitère ses propos au sujet des chambres à gaz, qu'il considère comme, je cite, « un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Nouvelle polémique, nouvelle procédure judiciaire en Allemagne et en France pour contestation de crimes contre l'humanité. Pour les éditorialistes, comme au sein du Front National d'ailleurs, la question de l'après-Le Pen devient une vraie question. Le 14 décembre 1997, quelques jours après le scandale de Munich, le journaliste Paul Guibert et Michel Cotta interrogent directement Jean-Marie Le Pen sur sa succession. Quand vous pensez à votre succession, parfois, ça vous arrive ? Quel est votre successeur de rêve à la tête quand du Front National ? Quand je pense à la mort, j'y pense souvent, c'est normal d'ailleurs. Il y a votre fin politique, on veut dire. Mais vous savez, la mort frappe indistinctement. Et pas toujours ceux que l'on pourrait croire les plus visés. On n'est pas en train de demander ça, naturellement, on est en train de demander si vous aviez un successeur idéal. Écoutez, nous sommes un parti démocratique. La succession du président sera décidée par le Congrès. C'est le Congrès qui choisira le meilleur candidat, celui qui sera capable de maintenir la cohésion et de continuer la progression constante et que le mouvement a connu, sous ma présidence en tout cas, depuis 1974 jusqu'à maintenant. Le 2 avril 1998, la justice donne un premier élément de réponse. Dans l'affaire de Mantes-la-Jolie, Jean-Marie Le Pen est condamné à 2 ans d'inéligibilité. Ce premier jugement est catastrophique pour le leader frontiste, car si la condamnation est confirmée en appel, il ne pourra pas se présenter aux élections européennes. Et donc, dans ces conditions, Qui prendra en charge la campagne? Bruno Maigret? Ça paraît logique. Sauf que le président frontiste a une autre idée. Juillet 1998, hôtel particulier de Montretout, Saint-Cloud. C'est au domicile de Jean-Marie Le Pen que se déroule le comité exécutif du parti auquel Bruno Maigret assiste. Sujet après sujet, le comité aborde les questions quotidiennes de la vie du parti, les finances, l'université d'été, les formations, la situation dans telle ou telle circonscription. Puis il aborde le dossier sensible des élections européennes. Qui pour le remplacer? Et là, il répond Jeannie. Oui, Jeannie, sa femme, la femme de Jean-Marie Le Pen. Bruno Maigret ne dit pas un mot, comme pétrifié par la gifle qu'il vient de recevoir. Il accepte le coup, puis revient à la charge lors d'une entrevue avec le président. En vain, le 20 juillet 1998, Jean-Marie Le Pen officialise dans la presse la solution Jeannie comme possible remplaçante. Le lendemain, la femme du président semble aussi interloquée que les journalistes qui l'appellent l'un après les autres. Après cette déclaration, elle décline l'offre, prétextant qu'elle préfère sa vie de femme au foyer à celle des campagnes politiques. Mais bon, son mari est le chef, elle obtempère. Pourtant, au sein du parti, la décision de Jean-Marie Le Pen ne passe pas. Bruno Maigret décide alors de sortir du bois. Le 24 août, au premier jour de l'université d'été du Front National, à Toulon, il sonne la révolte dans les pages du Parisien, puis au micro de France Inter. Je souhaite que Jean-Marie Le Pen soit candidat et que la scandaleuse décision qui le rend inéligible soit infirmée par la Cour d'appel. Mais comme la question a été mise d'ores et déjà sur la place publique, j'ai simplement fait savoir que j'étais en effet candidat, parce que lorsqu'un chef est empêché, c'est ce second qui le remplace, et que la candidature de Mme Le Pen, quelle que soit l'amitié que je lui porte, ne me paraît pas être une bonne idée. Il n'y a aucune guerre des chefs, il y a simplement un débat sur la prochaine tête de liste, si Jean-Marie Le Pen n'est pas éligible. Ce débat sera tranché, et je serai le premier à m'incliner devant la décision des instances. Le Front National sera uni et déterminé aux élections européennes autour de sa liste. Pour la première fois, publiquement, Bruno Maigret s'oppose frontalement à Jean-Marie Le Pen. La charge du délégué général contre le président est double. Non content d'indiquer que la candidature de Jeannie est une fausse bonne idée, Bruno Maigret demande un vote du comité central concernant la désignation de la tête de liste, mettant ainsi en question l'autorité du président. Pendant 3 jours, dans les coursives du palais Neptune de Toulon, l'ambiance est électrique. Au micro des journalistes, les dignitaires de chaque camp lancent leur première pique. Le 27 août, 3 jours après l'acte de candidature de Bruno Maigret, Jean-Marie Le Pen arrive enfin à Toulon. La mine bronzée, la mine réjouie, il fait comme si de rien n'était. Pendant toute la matinée, les deux hommes s'évitent soigneusement. Entre 2 poignées de main et des photos avec les militants, Jean-Marie Le Pen sort de son silence et répond à la polémique. Malheureusement, il fait ses confidences plutôt à la presse qu'au président, semble-t-il. Il devrait pourtant avoir de bonnes raisons de se méfier, non? Et au Front National, c'est le président qui établit la liste des européennes et qui la conduit, en général. Vous savez, j'ai l'habitude de l'adversité, j'ai l'habitude des déclarations contradictoires. Le Front National a été fondé par Jean-Marie Le Pen, conduit par lui depuis 25 ans, ma foi, avec un certain succès, compte tenu de l'adversité et du nombre de ses ennemis. Par conséquent, il n'y a pas de raison que cela ne se poursuive pas, tant au moins que le bon Dieu m'en donnera la force. Et jusqu'ici, ma foi, ça a l'air d'assez bien. À l'intérieur, il n'y a pas d'ennemis. Ah, je ne crois pas. Et s'il y en a, ben on les débusquera. En fin de journée, les deux hommes se rencontrent, enfin, et à huis clos. La colère du chef est glaciale, ferme. Mais à la sortie, les deux hommes prennent la pause autour d'un verre de l'amitié. Pour le président, il ne s'agit que d'une tempête dans un verre d'eau, rien de plus. Mais lors de son dernier discours, et pour éviter toute nouvelle prise de liberté de l'un de ses seconds, Jean-Marie Le Pen rappelle à ses détracteurs qu'il n'y a, je cite, qu'un numéro un, lui-même. Si la justice l'autorise, il sera la tête de liste aux européennes de 1999. En attendant, la lutte entre les deux clans se poursuit et s'intensifie. Yo, yo, rude boy, Jaguar Gargan, cool chain, lock the city, come back again, no man. Everyone from the truck. Every time I'm coming with a car, for real, he come along with him and size. Laisse pas zoom zoom zoom dans ta Benz Benz Benz gueule. Quand tu ride ton bon passable gang gang gang. Laisse pas zoom zoom zoom dans ta Benz Benz Benz gueule. Quand tu ride ton bon passable.

Officiellement, leur licenciement répond à un impératif économique. Officieusement, Jean-Marie Le Pen élimine des instances deux proches collaborateurs de Bruno Maigret. Alors, que va faire Maigret ? Va-t-il rentrer dans le rang et accepter que ses collaborateurs paient le prix de la révolte ? Ou prendra-t-il l'initiative ? Nous pouvons faire d'actualité, nous, dans la tempête, c'est bien venu. Parce que quand tout se passe bien, personne ne parle de nous. D'ailleurs, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, c'est bien connu. Non, c'est pas une photo de moi. Paris, 5 décembre 1998, Maison de la Chimie, Conseil National du Front National. L'ensemble de la presse attend l'ouverture du Conseil National pour entendre les réactions de chaque camp. Bruno Maigret, le délégué général, arrive le premier. Il ne dit pas mot, à l'inverse de Jean-Marie Le Pen qui lui succède quelques minutes plus tard. Alors, comment sent-il la journée ? Monsieur Le Pen ? Comment vas-tu ? Dans quel état d'esprit vous abordez ce Conseil National ? Vous voyez comme le ciel, là, bleu, avec du soleil. Pourtant, il y a un malaise au sein de... Écoutez, s'il y a un malaise, on va le passer. Pas de problème. Si au rez-de-chaussée, devant les caméras, les sourires sont de circonstance, au premier étage, la tension est à son paroxysme. La discussion commence, puis elle est interrompue par une entrée inattendue. Arrivés par une porte dérobée et entourés de maigrettistes, les deux licenciés, Nathalie Debaille et Hubert Fayard, débarquent. Certains applaudissent, d'autres fustigent le coup de force. Jean-Marie Le Pen demande au service d'ordre de raccompagner ces personnes qui n'ont plus le droit d'être là. À la sortie du bâtiment, Nathalie Debaille s'exprime alors devant les journalistes, postulat d'une bataille qui ne fait que commencer. Je suis rentrée, mes amis qui sont tous des gens formidables m'ont applaudi, m'ont acclamé. Et le président a demandé une suspension de séance jusqu'à ce que les gens indésirables dans cette salle en soient sortis. Il y a eu un tollé général et je suis sortie sous les applaudissements pour moi et sous le tollé pour le président. C'est la fameuse purge annoncée, la démaigrettisation, tout ce qui touche de près ou de loin de Bruno Maigret vont être, c'était Hubert et moi cette semaine et la semaine prochaine, ça ne fait aucun doute que ça va continuer. Après plusieurs heures de débats âpres et tendus, le Conseil national est clos. Les journalistes sont invités à assister à la conférence de presse traditionnelle de fin de conseil. Bruno Maigret n'est pas là. Accompagné de Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen joue le jeu des photos et des petites phrases off. Au sujet de la journée, il parle d'un simple coup de tabac. Selon lui, le Conseil national du FN s'est conclu sur une concorde retrouvée. Le président du Front National en profite pour faire une mise au point des informations qu'on peut lire ici ou là, dans la presse. Il réfute notamment l'authenticité du document publié par le journal Libération qui annonçait Bruno Maigret à la 10e position de la liste des européennes. Et il explique que celle-ci n'est toujours pas fixée. Il précise ensuite les raisons des licenciements, l'organisation de la campagne à venir, l'entente ou non avec Bruno Maigret. À l'en croire, tout est rentré dans l'ordre. Il le promet, le Front National sera uni pour les élections à venir. Au même moment, pourtant, Bruno Maigret débriefe la journée avec une partie de ses soutiens à l'hôtel Ibis Cambronne. Le délégué général invite ses partisans à se tenir prêts. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, Dominique Albertini du journal Libération, notre partenaire. Il est l'auteur avec David Doucet du livre intitulé « Une histoire du Front National ». Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. Le 7 décembre, Serge Martinez, un proche de Bruno Maigret, convoque les journalistes. Face à la crise, il demande la tenue d'un congrès extraordinaire du parti. Et il cite l'article 24 des statuts du mouvement qui détaille les conditions d'organisation d'un congrès extraordinaire. L'une des possibilités est l'obtention des signatures de 20% des adhérents qui demandent la tenue de ce congrès. Il annonce qu'une demande écrite sera envoyée dans les jours qui viennent à l'ensemble des adhérents. Deux jours plus tard, à la maison des polytechniciens, Bruno Maigret fait le grand saut. Il appelle lui aussi à l'organisation d'un congrès extraordinaire. Cette fois c'est fait, la guerre de succession est ouverte. Je demande solennellement à tous les adhérents, militants, cadres, élus du Front National, de signer la demande de convocation d'un congrès extraordinaire pour rétablir l'unité du mouvement. Le Front National n'appartient à personne. Il appartient aux militants, à tous les militants, quelle que soit leur position dans l'appareil. Cette initiative, elle n'est pas dirigée contre Jean-Marie Le Pen ou contre qui que ce soit. Il ne s'agit ni d'un putsch, ni d'une opération séditieuse, mais d'une démarche logique, naturelle et légitime en application stricte des statuts du mouvement. Je précise que je ne quitterai jamais le Front National, ni par une démission, ni par une exclusion. Et j'invite tous les membres de notre mouvement à en faire autant. Le soir même, on apprend par voie de communiqué que Jean-Marie Le Pen démet Bruno Maigret de ses fonctions de délégué général. Le 11 décembre, à Saint-Cloud, Jean-Marie Le Pen s'exprime dans une longue conférence de presse. Et pour la première fois, le président frontiste semble touché, inquiet, mais refuse d'abandonner son paquebot. Il annonce la suspension de l'ensemble des responsables du complot et s'adresse directement aux adhérents de son parti. J'entends donc assumer mes responsabilités dans leur plénitude. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartiers-maîtres félons. Forts d'une autorité qu'eux-mêmes en public feignent aujourd'hui de reconnaître au président du Front National, j'ai décidé de les sanctionner en frappant la conjuration à la tête. À ma demande, le bureau exécutif a suspendu de leur qualité d'adhérent, en attendant leur comparution devant nos instances disciplinaires, messieurs Bruno Maigret, Jean-Yves Le Gallou, Philippe Olivier, Franck Timmermans, Serge Martinez. Je ne vous ai jamais menti, jamais abandonné, jamais trahi. Je suis un homme non d'extrême droite, mais d'extrême droiture. Confirmez-moi votre confiance. Le soir même, Bruno Maigret est l'invité du 20h de TF1 pendant que le président frontiste, lui, répond aux journalistes d'Antenne 2. La presse, les studios radio et les plateaux de télé deviennent l'arrière-cour du duel entre les deux hommes. À ce petit jeu, Jean-Marie Le Pen est en territoire conquis. Il multiplie les interventions, collectionne les jeux de mots contre ses adversaires. La tirade qu'il affectionne tout particulièrement est l'histoire revisitée de Brutus et de César. Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, César prit sa toge et s'en couvrit la tête avant d'être immolé. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus. Pendant un mois, les Français suivent jour après jour la scission du Front National. Au journal, chaque jour, on a droit à un nouvel épisode. Le 13 décembre, au micro du Club de la Presse d'Europe 1, Bruno Maigret annonce avoir obtenu le nombre de signatures nécessaires pour l'organisation du congrès extraordinaire. Le lendemain, Serge Martinez et d'autres personnes suspendues, maigrettistes, s'invitent au bureau politique du parti, accompagnés d'un huissier. Ambiance. Le soir même, France 2 organise dans l'émission Mots croisés un débat spécial avec des militants et des représentants de chaque camp. En guise d'introduction, Bruno Maigret est interrogé par Alain Duhamel et Arlette Chabot. Sa réponse est franche, violente. Le problème, c'est de savoir ce qu'il faut faire du Front National. Nous ne voulons pas rester dans une opposition stérile qui orchestre la diabolisation du Front National pour rester dans un bunker confortable. Nous voulons lancer l'offensive pour arriver au pouvoir et pour engager la renaissance de notre pays. Et moi, je constate que Jean-Marie Le Pen, en ne supportant pas l'existence d'un grand mouvement politique, en voulant rester à une petite entreprise familiale, bloque ce grand projet qui est le nôtre, qui est celui des militants et des cadres du mouvement. Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui cette crise. Ce n'est pas des problèmes subalternes et méprisables, c'est simplement la volonté de tout ce peuple du Front National qui a fait d'immenses sacrifices depuis des années et des années de ne plus être en quelque sorte bridé par un président qui se comporte en monarque absolu et qui, au lieu de vouloir arriver au pouvoir, gère en patriarche familial un patrimoine qu'il croit personnel. Maintenant, c'est fini et c'est la raison pour laquelle un conseil national extraordinaire a été réuni qui a décidé d'organiser ce congrès, de nommer un administrateur général du Front National qui, en se substituant à Jean-Marie Le Pen, va organiser ce congrès. Ce congrès aura lieu au mois de janvier et nous allons organiser ce front réel en laissant de côté le front résiduel. Jean-Marie Le Pen n'ayant pas voulu participer à l'émission, c'est Bruno Gollnisch qui se charge de défendre son clan. Le secrétaire national du Front National réfute une nouvelle fois la méthode et les dernières déclarations des dissidents. Les conditions d'organisation du congrès extraordinaire ne correspondent pas, selon lui, au statut du parti Si congrès extraordinaire il y a, il ne sera en rien un congrès du FN, mais un repère de dissidents. Staline n'aurait pas dit mieux. Pendant plus d'une heure, l'émission se poursuit, passant des représentants politiques du parti aux simples adhérents. C'est sans doute l'une des émissions politiques les plus surprenantes de la Ve République, car à la télévision, en direct, un parti politique tout entier se brise. À la fin de la soirée, une chose est sûre, entre les deux familles frontistes, le point de non-retour a été franchi. C'est la théorie du Rubicon. Inscrit 2062, votant 1825, blanc 23, 1,26%, nul 46, 2,52%, Bruno Maigret, 1756 voix, 86, 22%, le nouveau président du Front National. À Marignane, les 23 et 24 janvier 1999 se déroule le dernier acte de la scission. Le congrès extraordinaire du FN MN, Front National, Mouvement National. Bruno Maigret devient le second président du FN. Pendant deux jours, devant plus de 25 000 participants, les maigretistes réorganisent le parti selon leurs règles. Deux jours où ils font l'inventaire des années Le Pen, des victoires aux dérapages et aux erreurs de stratégie. Au lendemain du congrès, au FN version chimiquement pure, l'hémorragie des cadres est conséquente. 140 conseillers régionaux sur 275, 62 secrétaires fédéraux sur 102 quittent le paquebot du fondateur pour rejoindre les rangs de Bruno Maigret. Par la suite, la justice donnera raison à Jean-Marie Le Pen, lui accordant l'exclusivité de la marque FN. C'est désormais aux électeurs de trancher entre les deux hommes et les deux partis. Jean-Marie Le Pen remporte la première manche, celle des européennes, où il obtient 5 élus contre 0 pour le mouvement national de Bruno Maigret. Puis vient le 21 avril 2002 et son ascension au second tour de l'élection présidentielle. Ce soir-là, comme il l'avait annoncé, César a tué Brutus. Vitrolles fut la dernière victoire de Bruno Maigret, lui l'amoureux de Napoléon qui rêvait d'Austerlitz. Son aventure contre le fondateur du FN ne sera au final qu'un Waterloo, sans même l'onirisme des 100 jours. All in your radio 45 2 in 1. Dominique Albertini, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, que vous avez écrit avec David Doucet une histoire du Front National. Alors, comme moi, vous avez probablement été frappé par cette liste de mots qu'on a entendus dans les archives, dans la voix des protagonistes. Putsch, purge, sédition, complot, traître, quartier maître félon, frapper la conjuration à la tête. Le Pen a même dit, de façon symbolique bien sûr, je tue. Au Moyen-Âge, ces gens-là se seraient retrouvés écorchés vifs. Hein. C'est un niveau de violence verbale symbolique qui, à ma connaissance, n'a pas ou pas beaucoup de précédent sous la Ve République. C'est une violence verbale extrême qui est nourrie par la culture classique de Jean-Marie Le Pen. On le voit évoquer Brutus, qui est peut-être nourri aussi par ses expériences militaires quand il est question de combat, de tuer, de quartier maître. Et il est étonnant, sinon amusant, de constater qu'on retrouve un niveau de violence semblable pour sa fille. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Finalement, qu'est-ce qui a réuni Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, deux hommes que finalement, et on l'a vu par la suite, tout oppose ? Eh bien, sans doute deux choses. La première, leur conviction de représenter la droite authentique, authentiquement nationale, authentiquement conservatrice, face à une droite traditionnelle qui se serait, elle, trop compromis avec l'esprit du temps. Et la deuxième chose, leurs intérêts. Vous l'avez rappelé, Bruno Maigret a, au départ, sa petite boutique, l'écart, mais ça ne marche pas très fort. Quant à Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, son parti, lui, est en pleine forme et il a besoin de montrer que c'est un parti qui monte en gamme, qui attire, et donc quoi de mieux pour cela que de faire venir à lui ce haut fonctionnaire, ce polytechnicien qu'est Bruno Maigret. Donc ça pouvait fonctionner. Ça pouvait fonctionner. Il y avait entre les deux personnages une forme de complémentarité dont il n'était pas écrit qu'elle tourne à la rivalité. Alors finalement, on arrive dans l'aspect le plus caricatural de la politique. Il ne faut pas être naïf non plus. La politique, c'est un ensemble de stratégies personnelles aussi. Hein. Qu'elle soit au service d'un pays, tant mieux, mais c'est aussi personnel. C'est un jeu, un théâtre de rivalité professionnelle, politique. Voilà. Là, ça va très très loin. C'est comme une tradition, parce qu'on arrive là, la dimension familiale de la tradition violente. On rappelle quand même qu'il y a eu un autre problème dans la famille Le Pen entre Jean-Marie et son autre fille, Marie-Caroline. Trois filles. Hein. Absolument. Voilà. Et là, c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Marie-Caroline. Enfin, ils sont brouillés, peut-être pas à vie, mais ils sont brouillés. Ils sont toujours brouillés à cette heure pour un conflit qui remonte précisément à la scission maigrettiste. Marie-Caroline étant, je crois, l'aînée des filles Le Pen, et surtout celle qui, avant Marine Le Pen, était, croyait-on, destinée à être la politique de la famille. C'est d'ailleurs elle, on l'a vu, qui est candidate à Mantes lors de ces fameuses législatives qui verront Jean-Marie Le Pen s'emporter contre la mère socialiste. Et Marie-Caroline Le Pen et son époux prendront dans la crise le parti de Bruno Maigret, ce qui vaudra à Jean-Marie Le Pen de la renier, de la déshériter ou de tenter de le faire. Et je crois que jusqu'à présent, il ne lui a toujours pas adressé la parole. Quand Bruno Maigret dit le Front National n'appartient à personne, il appartient à ses militants. Ça, c'est effectivement la définition de base d'un parti, c'est un collectif. Un parti, sauf que certains partis sont tellement incarnés que sans leur incarnation, ils changent de visage finalement. Donc le Front National, on peut dire qu'il appartient à personne, mais il appartient quand même, il appartenait à Jean-Marie Le Pen. Absolument, il faut bien mesurer tout de même, là, un parti est rarement un objet de démocratie à l'intérieur en tout cas, ça c'est une sorte de fiction. Mais dans le cas de Jean-Marie Le Pen, on arrive à une sorte d'identification rarement vue entre son parti et sa personne, de sorte que l'histoire du Front National est assez difficile à distinguer de la biographie de Jean-Marie Le Pen. À ce point d'ailleurs qu'il lui arrive de refaire un peu l'histoire, par exemple quand il dit qu'il a créé le Front National, c'est en partie faux, au mieux peut-on dire qu'il l'a cofondé, mais c'est ainsi. Pour Jean-Marie Le Pen, il a une conception patrimoniale du Front National, c'est son parti, il dira que le FN est une monarchie, et de fait, s'il l'a transmis à quelqu'un, c'est finalement à sa fille. Effectivement, donc si c'est une monarchie, on fait allégeance au roi, et il se trouve que le séditieux, entre guillemets, hein, c'est un séditieux dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen, va faire allégeance à Jean-Marie Le Pen en 2006. C'est un retour, c'est piteux comme retour. C'est très étonnant. C'est très étonnant, une image qu'on ne pensait pas revoir. Que s'est-il passé après les européennes de 99? Vous l'avez dit, le MNR a raté son coup, n'a aucun élu. 2002, on sait ce qui se passera. Et le MNR de Maigret qui partait avec de si grandes ambitions, qui allait réinventer la droite, l'extrême droite, la droite nationale, finalement se retrouve réduit à peu de choses. On voit beaucoup de membres revenir vers le Front National, notamment des gens qui se sont illustrés depuis aux côtés de Marine Le Pen. Je pense par exemple à Steve Briouat. Et donc vient 2006 et Bruno Maigret, qui n'a plus trop d'espoir pour lui-même, va tenter un retour auprès de Jean-Marie Le Pen dans une espèce d'alliance qu'on appellera, je crois, l'Union Nationale. Ça passera encore une fois par des liens familiaux ou presque, puisque Jean-Marie Le Pen est le parrain de l'un des enfants Maigret. Ça servira de prétexte au rapprochement. Et par la suite, donc, on les verra s'afficher ensemble à quelques reprises. Autant dire qu'il y a beaucoup de gens au Front National à qui ça ne plaira pas. Le souvenir est encore très douloureux. Et donc, ça n'aura pas de grands effets, de grandes conséquences pour Bruno Maigret. Alors, on va écouter justement ce qu'en disait Bruno Maigret lui-même. Ça ne va pas être facile quand même de justifier ça. C'est en 2006, on l'écoute. Bah écoutez, nous avons eu, c'est vrai, des différences et des différends, comme je l'ai dit ce matin, mais il n'y a jamais eu de haine, contrairement à ce que vous avez dit. Et moi, je ne suis pas non plus un homme de rancœur, comme Jean-Marie Le Pen non plus d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans l'intérêt du pays, nous dépassons tout cela pour construire cette union des patriotes. Et je crois que c'est un événement tout à fait exceptionnel. Chaque camp se dispute, on se querelle, il y a aucun précédent d'une telle réconciliation, je dirais aussi spectaculaire et aussi désintéressée, et que nous aimons suffisamment notre pays pour faire passer des considérations personnelles ou partisanes avant l'intérêt national. Nous mettons l'amour de la France avant toute chose. Ça s'appelle quand même manger son chapeau. Et celui-là est gros. Absolument. D'autant plus que Maigret, tout désintéressé qu'il est prétendu être, espérait tout de même que ça lui vaudrait, à lui ou à son mouvement, quelques circonscriptions intéressantes pour les législatives qui suivraient. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but me. Oh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be somewhere else with anyone but me. 7 years strong with my therapy, making mosaics of my memories. Puzzled with doubt, I'm my closest enemy. It's like this girl is squatting in my identity. She's a raver, liquid libertine, and a bouncer to my dopamine. Tried so hard to become a referee, to even out the game that's between my mind and me. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be someone else with anyone but me. Peckham preacher giving bad advice. She just does the spending and then I pay the price. Trying to be Khalees but she always tricked me twice. God, I know I could do better. voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but me. Dominique Albertini, je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, que vous avez écrit avec David Doucet une histoire du Front National. Alors, peut-on faire un parallèle temporel, donc là pour le coup une vraie résonance de ce passé sur ce que nous voyons en ce moment au Front National, dans la stratégie de Marine Le Pen de respectabilité de ce parti-là, de prendre le pouvoir, voilà, par les urnes, Jean-Marie Le Pen aussi, mais par le jeu politique traditionnel. Alors ça va être compliqué, hein, parce qu'il faudra bien une alliance, de toute façon, mais bon, c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec ce que voulait faire Bruno Maigret, finalement? On peut le dire, c'est presque devenu un lieu commun, d'ailleurs, de dire que Marine Le Pen fait du maigrettisme sans Maigret. Non, mais c'est l'idée est devenue très répandue, parce qu'effectivement... Mais est-elle juste, ça? Et elle est juste, et elle me semble tout à fait juste, parce que Marine Le Pen reprend tous les ingrédients de la recette maigrette consistant à faire monter en gamme le parti en faisant venir à lui de nouveaux profils, plus qualifiés, issus de la haute fonction publique, issus de grandes écoles. Il y a également toute une stratégie de langagière, lexicale, consistant à adoucir le vocabulaire. Là où avant il pouvait peut-être blesser, être trop agressif, trop abrupte. Là maintenant, préférence nationale devient préférence citoyenne. On pourrait multiplier les exemples. Les candidats... Alors, peut-être une différence cependant, Bruno Maigret, malgré sa stratégie de respectabilité, on trouvait assez fréquemment dans son sillage des gens qui, eux, ne l'étaient pas et n'aspiraient pas du tout à l'être respectable. Marine Le Pen, alors on en trouve également, ils ne sont pas forcément au Front National, ils peuvent être autour du Front National. Cependant, les cas de radicalité les plus manifestes au sein du Front National, on sait généralement quel sort elle leur réserve, c'est souvent quand ils sont trop voyants, la porte. La différence, la grande différence avec la scission maigrettiste, c'est que Jean-Marie Le Pen était soutenu à l'époque par une bonne moitié de l'appareil, ce qui voulait déjà dire qu'il en avait perdu la moitié. Et Bruno Maigret, qu'est-il devenu? Alors Bruno Maigret, eh ben il a continué à mener sa petite barque donc du MNR, donc le Mouvement National, auquel on a vite rajouté un Républicain, pour faire déjà plus respectable. Il a connu la mauvaise fortune que l'on sait. Il a arrêté la politique au lendemain des présidentielles de 2007, me semble-t-il. Il a dit ensuite être parti à l'étranger pour travailler. Certains en doutent. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Il est de retour aujourd'hui, en tout cas. Je me suis laissé dire que il avait peut-être l'idée, un jour, pourquoi pas, de retoucher à la politique. Personne ne sait très bien ni dans quelles circonstances, ni si le projet est vraiment réaliste. Merci en tout cas Dominique Albertini pour vos éclairages. Je rappelle que vous avez écrit ce livre avec David Doucet intitulé Une histoire du Front National et vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire bien sûr. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.